Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin que j'ai intitulée « Trump, Macron, May et les autres ». Ça y est, la France est engagée aux côtés de l'Amérique de Trump et de la Grande-Bretagne du Brexit dans la destruction des sites syriens d'armes prétendument chimiques. Les cris de victoire retentissent. La Syrie serait désormais dans la capacité d'utiliser des armes de destruction chimique. Bien évidemment, les médias relaient et amplifient cette action menée par un trio particulièrement étrange, dans sa composition du moins, lié par un intérêt commun, celui des dirigeants contestés dans leur propre pays, à savoir, mais à cause de sa politique ultra-conservatrice, antisociale, mais aussi pour le Brexit, dont le Royaume dit « uni » et l'Europe des 27 fait les frais. Trump, de la santé mentale, est mis en doute, y compris par des responsables du FBI, et qui met à mal la crédibilité de la politique américaine dans le monde, président dont le racisme éclate au grand jour, qui a certainement bénéficié d'appuis troubles pour se faire élire. Macron, lui, dans ce trio, apparaît comme l'homme des réformes ultralibérales réussies, malgré les oppositions de plus en plus fermes, cheminots, personnel hospitalier, surtout dans les EHPAD, syndicats décidés à défendre l'intérêt de leurs mandants dans les fonctions publiques, mais aussi dans le privé, puisque les mesures XXL du Code du travail prises à l'encontre des salariés du privé, commencent à prendre leur plein effet négatif, bien entendu, surtout dans les petites entreprises. Il n'empêche que la politique Macron est de plus en plus contestée. Mais l'homme sort, soutient par une majorité à sa botte, continue d'afficher un mépris souverain pour ses opposants. Et pour les classes populaires, bien entendu. Il n'est pas non plus opportun plutôt, d'oublier les brutalités policières à Notre-Dame-des-Landes, Bure ou dans les universités. La suppression de nombreux services publics, les Vosges, qui sont actuellement visités par Macron, enfin la Lorraine, sont loin d'être épargnés donc, par ces suppressions de services publics. Macron est pris en flagrant délit de mensonge lorsqu'il ose affirmer que les établissements hospitaliers garderont leurs moyens. Alors que partout, les ARS, agences régionales de santé, ferment des établissements et des lits, éloignent toujours davantage l'accès aux soins, tout en désertifiant le milieu rural. Milieu rural déjà abandonné par les services publics. Pourtant, les médias insiste pour la plupart sur la nécessité de cette politique ultralibérale et font à longueur de pages ou de bulletins d'information le parallèle avec ce qui se passe dans les autres pays de l'Europe des 27, démontrant ainsi les effets, pourtant socialement négatifs, des différentes politiques européennes, avec une lente mais inexorablement montée des populismes et autres formes de nationalisme et néofascisme. Oui, l'Europe a déçu et déçoit ses citoyens. Pourquoi le cacher? On peut mesurer les effets de sa politique globalement antisociale, je parle de l'Europe bien sûr, toujours, faisant la part belle aux multinationales et autres lobbies économiques. Pourtant, l'Union européenne n'a pas été construite pour être seulement un vaste marché avec des règles visant essentiellement à préserver, je cite, « une concurrence libre et faussée ». Formule reprise, si vous vous souvenez, dans le projet de traité constitutionnel, rejeté par les citoyens français, entre autres. Bruxelles a choisi l'Europe. L'Europe du business contre l'Europe des peuples et du social. Cette Europe-là est de plus en plus chahutée lors des élections, comme ce fut le cas en Italie récemment. Les citoyens européens n'en veulent plus dans leur grande majorité et ne font plus confiance à des femmes et des hommes qui roulent pour le business international, foulant aux pieds des valeurs sociales et démocratiques. Certes, cet écœurement profitent la plupart du temps à des partis d'extrême droite ou de droite radicale et antisociale. On ne peut que le déplorer. Mais inévitablement, on va vers un désamour des citoyens pour l'Union européenne si nos dirigeants ne changent pas de politique. N'est-il pas temps de tirer la sonnette d'alarme et les conséquences de ces politiques ultralibérales européennes? En tout cas, Macron ne donne pas le bon signal en s'alliant avec des partenaires anti-européens pour des actes dont l'utilité est plus que douteuse, même pour le peuple syrien. Étant entendu que l'on a renoncé à le soutenir alors qu'il était encore temps, et que l'on va certainement laisser tomber le peuple kurde qui a bien servi les intérêts occidentaux dans la lutte contre Daesh. Mais hypocrisie et ignominie ne sont-ils pas les seuls moteurs de la politique internationale de Macron? La question doit être posée lucidement et je pense que c'est notre devoir de la poser, cette question. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée, que je vous souhaite la meilleure possible et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.